بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد, continuons, demandant l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la lecture et la tentative de traduction du livre Manhaj al-Salikin de son auteur, le noble Sheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Et avant de continuer, donc, je vous fais part de la remarque dont le frère vient de faire part concernant le hadith abordé hier dans le chapitre relatif au type d'eau dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah n'accepte pas de prière sans purification. Donc l'auteur a dit qu'il est muttafaqun alayhi, c'est-à-dire unanimement reconnu authentique, dans le sens où il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et vous pouvez trouver dans la marge, ici, que le Shir qui a édité le livre donc attire l'attention vers le fait que l'imam Muslim a rapporté ce hadith d'après Ibn Umar, radiyallahu anhuma. Quant à Al-Bukhari, en réalité, il ne l'a pas rapporté. Mais il a plutôt fait des termes de ce hadith le titre d'un des chapitres de son livre. Comme vous pouvez le trouver donc dans les annotations du livre. Aujourd'hui donc on en arrive à un autre chapitre qu'on avait annoncé hier. Étant donné que le Cheikh il a parlé des différents types d'eau, il était opportun de mentionner également ce qui va venir contenir ces eaux, savoir les récipients. Et c'est dans ce cadre-là qu'il a dit « Bab al-aniya wa jami'u al-awani mubaha illa aniyatu al-dhahab wal-fidda wa ma fihi shay'un minha illa al-yasir min al-fiddati lil-haja ni qawlihi sallallahu alayhi wa sallam la tashrabu fi aniyati al-dhahabi wal-fidda ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه. Donc le chapitre relatif aux récipients. Le Shir dit dire: l'utilisation de l'ensemble des récipients est permise. Hormis celle des récipients en or ou en argent. Et des récipients qui en contiendraient. Exception faite de ce qui serait en petite quantité, en argent, et qui resterait dans le cadre du besoin. Du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne buvez pas dans des récipients en or et en argent, et ne mangez pas dans des plats qui en sont composés. Étant donné qu'ils sont pour eux dans ce bas monde et pour vous dans l'au-delà. Et ce hadith, il est unanimement reconnu authentique. Muttafaqun alayhi, donc dans le sens qu'il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. On retient de ce chapitre plusieurs points. Premièrement, le fait que l'utilisation de l'ensemble des récipients est permise. Et on se base dans ça sur la règle qu'on a abordée hier, que le Shir a énoncée lorsqu'il a dit à la base les choses sont pures et licites. وَالْأَصْلُ فِي مِيَاهِنَا الطَّهَارَةِ وَالْأَرْضِ وَالثِّيَابِ وَالْحِجَارَةِ. Donc on reste sur cette base-là, qui est que les choses sont à la base pures et licites. Deuxième point qu'on peut retenir de ce passage, l'exception qui est faite des récipients d'or et d'argent. Conformément au hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim d'après Hudhayfa ibn al-Yaman. On y trouve que l'interdiction de manger et boire y est mentionnée. Quant à l'interdiction de s'en servir pour se purifier, elle est prononcée par procédé d'analogie, le qiyas. On avait abordé ce que le qiyas. Et à plusieurs reprises, donc, en l'abordant, je vous avais dit, on aura l'occasion, inshallah ta'ala, de voir ce que c'est concrètement. L'analogie, donc, si on peut la définir, même si la définition en français elle devient un peu longue, contrairement à celle en arabe. Donc l'analogie consiste à établir un verdict commun entre une chose nouvelle qui se produit pour la première fois et dont on ignore le verdict et une chose au sujet de laquelle nous disposons d'un texte révélé. Explicite et clair dont on connaît le verdict en découlant. À cause d'une caractéristique les réunissant. Donc on retrouve plusieurs points dans la définition d'Al-Qiyas, l'analogie. Établir un verdict commun entre une chose nouvelle. Donc il faut qu'il y ait une chose nouvelle dont on ignore le verdict. Naam. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une chose au sujet de laquelle nous disposons d'un texte révélé, explicite et clair, dont on connaît le verdict en découlant. Donc ça fait deux choses. Et troisièmement, une caractéristique qui réunit cette chose nouvelle et cette chose au sujet de laquelle nous disposons d'un texte révélé. Afin que nous puissions établir ce verdict commun. Afin que nous puissions établir ce verdict commun. Taïb, on essaie de mettre en application cette chose-là avec le sujet de ce chapitre. La chose nouvelle dont on ignore le verdict ici, ce serait quoi? Ce serait quelle chose? Mourad. Le naam, le fait d'utiliser un récipient fait d'or ou d'argent afin de faire les ablutions. Ça, c'est la chose dont on veut connaître le statut. Est-ce que c'est permis ou pas? Naam. Quelle est la chose au sujet de laquelle nous disposons d'un texte révélé explicite et clair dont on connaît le verdict en découlant? Ici, c'est quoi? Le fait de manger et boire dans des récipients d'or et d'argent. Le fait de manger et boire dans des récipients d'or et d'argent. Naam. Donc c'est quoi la caractéristique qui les réunit? Le fait qu'ils soient en or et en argent. Le fait qu'ils soient en or et en argent. Donc c'est ce qui a mené certains ulama à faire cette analogie et à considérer donc et ou alors à établir ce verdict commun en disant qu'à partir de ce hadith, nous disons également qu'il est interdit d'utiliser les récipients d'or et d'argent dans le cadre de la purification, par exemple. Et c'est ce qui a mené donc l'auteur, rahimahullahu ta'ala, à faire mention de ce hadith ici, afin d'appuyer le fait que il n'est pas permis de se purifier avec de l'eau contenue dans des récipients d'or et d'argent. Cependant, cette analogie matière à discussion pour plusieurs raisons. Premièrement, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait spécifié le fait de manger et boire exclut en vérité les autres types d'utilisation. Car le fait qu'il ait spécifié le fait de manger et de boire, ça prouve bien que l'interdiction, elle est uniquement liée à ces deux choses-là. Et si tel n'avait pas été le cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait très certainement mentionné. Surtout lorsqu'on se rend compte que ce type d'utilisation dans la vie du musulman est très courante ou très courant. Et il faut savoir qu'ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a spécifié le fait de manger et boire du fait que c'est à ce moment-là, dans ce genre de circonstances, que la personne va être amenée à tomber dans des choses répréhensibles. En se vantant, notamment, ou en agissant de manière quelque peu ostentatoire, en faisant montre de ses richesses, et de ses biens qui sont de valeur, et ainsi tomber dans des choses répréhensibles. Alors qu'en vérité, la personne qui va utiliser des récipients d'or ou d'argent pour faire les ablutions, donc ça va être quelque chose qui va être caché. C'est pour cela qu'en vérité, n'ont pas été mentionnés. Également, parmi ce qui prouve que cette analogie matière à discussion, c'est que si tout type d'utilisation était interdit, alors ces récipients n'auraient plus eu lieu d'être. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait certainement ordonné de les casser, comme il le faisait avec d'autres objets. Notamment des objets sur lesquels on pouvait trouver des représentations d'êtres animés. Étant donné qu'il n'y avait aucun profit à en tirer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné de les casser. Le fait qu'il n'ait pas ordonné de le faire ici prouve qu'il y avait quand même un profit à tirer de ces récipients-là et qu'en vérité, l'interdiction concerne uniquement l'utilisation de ces récipients pour manger et boire. Troisième point qu'on peut retenir de ce bref chapitre, l'exception faite des récipients dont l'utilisation réunirait trois conditions. Donc là, on revient dans l'interdiction. Naam. Donc, selon l'auteur, l'utilisation générale et selon l'avis qui serait plus authentique, qui est notamment soutenu par le Cheikh Mohammed ibn Salah al-Uthaymin dans Sharh al-Mumti', ça concernerait uniquement le fait de manger et boire. Donc, concernant cette interdiction, l'acception est faite des récipients dont l'utilisation réunirait trois conditions. Premièrement, qu'ils soient en argent. Donc, ça vise uniquement l'argent. Deuxièmement, que ce soit en petite quantité. Et troisièmement, qu'il y ait un besoin dans cela. Donc, si par exemple une personne a un récipient, et que ce récipient contient de l'argent qui est en petite quantité. Et cette petite quantité, elle fait suite à un besoin, alors à ce moment-là, il n'y aurait pas de mal à l'utiliser. Qu'est-ce qu'on vise par le besoin? Le besoin, c'est ce qui n'est pas lié au simple fait d'embellir ce récipient. Yani, si par exemple une personne, elle vient et elle rajoute en petite quantité dans un récipient, une sorte de poignée, comme ça qu'on dit une poignée d'un récipient, il n'y a pas un terme plus approprié? Une pincée. Une pincée peut-être. Une pincée? Là. Une anse. Une anse, la anse ou l'espèce de poignée avec lequel tu vas tenir, par exemple, le barrad. Naam. Al-Muhim, si la personne, elle vient et elle utilise un récipient de ce type et que ce qui permet donc de tenir ce récipient, ici, il est en argent. Même si c'est en petite quantité, on ne dira pas que c'est permis. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un réel besoin. Il n'y a pas un réel besoin. Par contre, si une personne, elle utilise un récipient dans lequel on trouve de l'argent, en petite quantité, et cette petite quantité, elle a été utilisée en vérité uniquement pour réparer ce récipient-là, alors à ce moment-là, son utilisation sera permise. Également, comme le mentionne le Cheikh Ibn al-Uthaymin, il est important d'attirer l'attention vers le fait que le terme « besoin », qui est la traduction approximative du terme « haja », son sens est moins prononcé que le terme « nécessité », que l'on traduit, qui est la traduction de « daroura ». Donc ici, ce qui est visé, c'est le besoin. Le besoin, donc, on l'a défini comme étant ce qui n'est pas lié au simple embellissement. Mais ça n'arrive pas au stade de nécessité. Pourquoi? Car comme le dit le Cheikh Ibn al-Uthaymin, en l'attribuant au Cheikh de l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, en vérité, si ça atteignait le stade de daroura, de nécessité, eh bien à ce moment-là, on dirait même que l'utilisation de l'or est permis. Pourquoi? Parce que vous connaissez la règle. Ad-darura tubih al-mahdurat. Les cas de nécessité rendent licite ce qui, à la base, est interdit. Et admettons qu'une personne se retrouve dans une situation critique, elle craint pour sa vie, et que lui est présentée une boisson dans un récipient en or. Il n'y a pas de doute qu'elle aura la permission ici de boire de ce récipient en or, étant donné qu'elle est dans un cas de nécessité. Donc ce qui est visé ici par le besoin, ce n'est pas ce qui serait visé par le terme nécessité. Le shir de continuer avec un autre chapitre en disant « Babul istinja wa adab » قضاء الحاجة. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى، ويستتر بحائط أو غيره، ويبعد إن كان في الفضاء. ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس، ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غردبوا. متفق عليه. فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل، ثم استنجى بالماء، ويكفي الاقتصار على أحدهما، ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل ما له حرمة. Donc chapitre relatif à la toilette intime et aux bonnes manières à observer en faisant ses besoins. Le cheikh y a dit: il est recommandé lorsqu'on entre aux toilettes d'avancer le pied droit et de dire Bismillah. Non, le pied gauche. Barakallahu fik. D'avancer le pied gauche. Al-Yusra. Et de dire Bismillah, qui signifie au nom d'Allah. Allahumma inni a'udhu bik min al-khubthi wal-khaba'ith. Ô Allah, je demande protection auprès de toi contre les djinns, mâles et femelles. Et lorsqu'il en sort, il avance le pied droit. On avance le pied droit et on dit Ghufranak, ce qui signifie littéralement ton pardon, dans le sens donc je te demande ton pardon. Alhamdulillahi alladhi adhhaba anni al-adha wa afani. Louange à Allah qui a écarté de moi le mal et m'a épargné. Et on se tient lorsqu'on s'assied sur le pied gauche, en dressant le pied droit. Et on se cache du regard d'autrui derrière un mur ou autre. Et en plein air, on s'éloigne autant qu'on peut et il n'est pas permis de faire ses besoins dans un chemin ou dans un lieu où les gens sont assis ou sont menés à s'asseoir plutôt. Dans un lieu où les gens sont menés à s'asseoir. Ou sous des arbres fruitiers. Ou dans tout endroit où cela pourrait nuire aux gens. Et on ne doit faire face ni à la Qibla, et on ne doit ni faire face à la Qibla, ni lui tourner le dos en faisant les besoins. Étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vous arrivez à l'endroit où vous allez déféquer ou uriner, alors ne faites ni face à la Qibla, alors ne faites pas face à la Qibla et ne lui tournez pas le dos, mais orientez-vous plutôt vers l'est ou l'ouest. Et le hadith, il est unanimement reconnu authentique. Et lorsqu'on fait les besoins, on doit se nettoyer avec trois pierres ou toute chose similaire qui nettoierait la partie du corps en question. Puis on se nettoie avec de l'eau. Et il suffit de se contenter d'un de ces deux moyens-là. Et il n'est pas permis de se nettoyer avec des crottins ou des os, étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a réprouvé. Et il n'est pas non plus permis d'utiliser dans ce cadre-là tout ce qui serait sacré. On peut retenir donc de ce passage plusieurs points. On va en aborder donc certains et le reste donc on les remettra à demain, inshallah ta'ala. Premièrement donc le fait que l'auteur a cité plusieurs bonnes manières à observer en entrant aux toilettes. Il a ainsi mentionné le fait d'avancer le pied gauche. Et ce conformément au hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim d'après Aïcha, radiallahu anha, qui disait, en parlant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, commencer par la droite lui plaisait lorsqu'il se chaussait, lorsqu'il se peignait et lorsqu'il se purifiait et dans l'ensemble des situations qui se présentaient à lui. Commencer par la droite lui plaisait lorsqu'il se chaussait, lorsqu'il se peignait et lorsqu'il se purifiait et dans l'ensemble des situations qui se présentaient à lui. À partir de là, les ulama ils ont énoncé que la droite est préférée pour l'accomplissement des actes de valeur et que la gauche est préférée pour l'accomplissement des actes qui ne seraient pas des actes de valeur. Et ils ont également énoncé cela en parcourant les textes de la Sunna, laquelle nous nous rendons compte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait prévaloir la droite dans des actes donc, de valeur, le fait de rentrer à la mosquée, le fait de se chausser, et ainsi de suite. Et qu'à l'inverse, il avançait la gauche dans d'autres cas de figure, comme le fait de sortir de la mosquée, par exemple. En se basant sur cela, donc, les ulama ont affirmé qu'ici, il convient d'avancer le pied gauche en entrant aux toilettes. Deuxièmement, parmi ces bonnes manières-là, la basmala. Et ce, étant donné que l'imam Tirmidhi a rapporté, d'après Ali ibn Abi Talib, radiyallahu an, et Ibn Majah l'a également rapporté, d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce dernier a dit, ce qui s'interpose entre les regards des djinns et l'intimité de la descendance d'Adam, lorsqu'ils entrent aux toilettes, c'est qu'ils disent Bismillah. Donc ce hadith, il a été rapporté par At-Tirmidhi. Ibn Majah et At-Tirmidhi a dit, il est insolite et je ne le connais que d'une seule voix qui n'atteint pas un tel degré d'authenticité. Ici, il a fait allusion au fait que ce hadith est quelque peu faible. Et ce hadith, il a été déclaré authentique par l'imam Al-Albani dans son livre Al-Irwa, sur la base de nombreuses voix dont il bénéficie et qui se consolident les unes les autres. Donc certes, cette voix-là à laquelle a fait allusion l'imam Tirmidhi est faible. Cependant, ce hadith bénéficie d'autres voies, d'autres chaînes de transmission qui se consolident les unes les autres et qui en font un hadith authentique. Également, parmi les bonnes manières que l'auteur a mentionnées, le fait de dire Allahumma inni a'udhu bik min al-khubthi wal-khaba'ith. Ô Allah, je demande protection auprès de toi contre les djinns, mâles et femelles. Et ce donc, conformément à ce que Al-Bukhari et Muslim ont rapporté d'après Anas. Radiallahu anhu, qui rapportait cela du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Également l'auteur, parmi ces bonnes manières-là, il a mentionné le fait d'avancer le pied droit lorsque l'on sort des toilettes. Et ça va dans le sens de ce qu'on a vu précédemment lorsqu'on a parlé du fait d'avancer le pied gauche en y rentrant ou en y entrant. Cinquièmement, le fait de dire à ce moment-là « Ghufranak », littéralement « ton pardon », dans le sens donc « je te demande ton pardon ». Et ce, conformément à ce que l'imam Ahmed, ainsi que Abu Daoud, de même qu'Ibn Majah, ont rapporté, et avec l'imam Tirmidhi qui a dit que ce hadith était insolite, dans le sens où il ne lui connaissait qu'une seule voix, et fiable. Hassan. Ce hadith, donc, d'après Aïcha, radiallahu anha, qui rapporte cela du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à savoir le fait de dire Ghufranak en sortant des toilettes. Également, parmi les bonnes manières que l'auteur a mentionnées, le fait de dire « Alhamdulillahi alladhi adhaba anni al-adha wa afani » « Louange à Allah qui a écarté de moi le mal et m'a épargné. » Et cela, ça a été rapporté par Ibn Majah, d'après Anas. Cependant, c'est faible à cause de la présence d'Ismaïl, Ibn Muslim al-Makki, comme l'a démontré le Cheikh Al-Albani dans son livre « Irwa al-Ghalil ». Donc cette invocation-là est faible. Le fait de dire « Alhamdulillahi alladhi adhaba anni al-adha wa afani ». Également parmi les bonnes manières à observer qui sont mentionnées par l'auteur, le fait de se tenir sur le pied gauche en faisant ses besoins. Le fait de se tenir sur le pied gauche et de dresser le pied droit. Naam, se tient sur le pied gauche et il dresse le pied droit. Et ça a été rapporté par l'imam al-Bayhaqi. D'après Suraqa ibn Malik, radiyallahu anhu, qui disait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné ce que vous venez d'entendre, à savoir le fait, en faisant ses besoins, de se tenir sur le pied gauche et de dresser le pied droit. Cependant, ce hadith est faible, comme l'a dit An-Nawawi et Ibn Hajar, et vous pouvez trouver cela donc dans les annotations du livre. Il est cependant dit que cela serait bon, médicalement parlant, dans le sens où il aurait été prouvé médicalement que cette position-là, en faisant ses besoins, est une bonne position. Cependant, l'affirmation de cela nécessite plus de recherche. Wallahu a'lam. Également, parmi les bonnes manières à observer, le fait de se cacher du regard des gens. Étant donné que l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, a rapporté d'après Abdullah ibn Ja'far, que ce dernier a dit, ce avec quoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam préférait se cacher lorsqu'il faisait ses besoins, c'était des endroits surélevés. Donc il profitait de certains endroits surélevés pour se cacher derrière afin de faire ses besoins. Ou des palmiers donc, littéralement repliés, peut-être il y a une meilleure traduction, donc des palmiers repliés donc, dont il profitait pour se cacher. Ce qui nous montre cette habitude qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de se cacher du regard des gens lorsqu'il souhaitait faire ses besoins. Et également, parmi les bonnes manières, et cela est lié à ce qui vient d'être mentionné, le fait que si on est en plein air, il convient de s'éloigner. Il a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d'après Al-Mughira ibn Shu'ba, que ce dernier a dit, radiyallahu anhu, j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un voyage lorsqu'il me dit, ô Mughira, saisis le seau. Je le saisis donc, et il s'en alla jusqu'à s'abriter de mon regard, et c'est alors qu'il fit ses besoins. C'est-à-dire qu'il est parti tellement loin qu'Al-Mughira n'a plus pu le voir, et c'est à ce moment-là donc que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait ses besoins. On va s'en tenir à ça pour aujourd'hui, et demain, incha'Allah ta'ala, on complétera ce chapitre-là, et on entamera, bi'idhnillah, le chapitre suivant. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.